qu'il me reste. C'est ce qu'il me reste. Ce qu'il me reste. Du feu de ma jeunesse. Ce qu'il me reste. C'est ce qu'il me reste. Ce qu'il me reste. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Je vais boire un thé. Et peut-être manger une petite viennoiserie. Qui c'est qui veut un beurre au chocolat, un croissant? Il a tout cassé. Il a tout cassé. Son ordinateur. Tout de suite, ça marche. Alors, je comprends pas.